Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone, et nous allons maintenant sonder les profondeurs des lacs, car les sédiments qui reposent au fond des lacs ont beaucoup de choses à dire. C'est ainsi qu'une équipe de recherche a découvert que l'érosion des sols a débuté il y a 4000 ans avec l'agriculture, tel qu'on peut le lire dans une étude publiée dans la revue scientifique PNAS. Alors, quel est le lien entre les lacs et l'érosion des sols? Eh bien, nous avons la chance de recevoir en studio Pierre Francus, qui est professeur à l'INRS et co-auteur de cette étude. Bonjour, monsieur Francus. Bonjour. Alors, monsieur Francus, vous êtes professeur à l'INRS Hautes Terres Environnement, ici dans Saint-Roch, et vous travaillez sur les sédiments qui reposent au fond des lacs. Bon, vous travaillez aussi sur les sédiments marins, mais là, on va parler des sédiments lacustres, ceux qui sont dans les fonds des lacs. Alors, pour bien comprendre toute la suite de votre propos et l'objet de cette étude dont vous êtes co-auteur, qu'est-ce que c'est que ces sédiments et en quoi ils consistent et d'où viennent-ils? Donc, les sédiments, chaque lac a un bassin versant. Donc il y a souvent une rivière qui va couler dans le lac, et puis cette rivière transporte des sédiments, et ces sédiments se déposent dans le fond des lacs. En général, ça se disperse dans le lac. Mm-hmm. Et il y a des années où il y a plus de sédiments qui se déposent parce qu'il y a plus de sédiments qui arrivent par la rivière, mais il y a aussi des sédiments qui proviennent directement des berges du lac. Par exemple, si vous avez un orage ou quelque chose comme ça, vous pouvez voir que l'eau est brune lorsqu'elle coule dans des petits ravins qui coulent vers le lac. Ça, c'est une partie des sédiments qui se déposent dans le lac. Et puis, une autre partie, c'est la vie dans le lac. Donc, vous avez le phytoplancton, les diatomées notamment, qui, dans notre jargon, c'est la production primaire. Donc, ces organismes vivent dans la colonne d'eau du lac. Et puis, une fois que leur durée de vie... Quand ils meurent, en fait, oui, c'est ça, exactement. Quand ils meurent, ben, ils se disposent simplement dans le fond du lac, simplement. Donc, ça s'additionne avec les sédiments qui sont apportés par les rivières ou l'eau qui s'écoule sur les sols. Et donc, c'est un mélange entre les deux. Et parfois, il y a des années où il y a plus de mélanges plus de sédiments qui viennent du bassin versant, puis d'autres années, il y a plus de sédiments qui proviennent simplement de la vie dans le lac. Mmh. Donc, sachant cela, quel lien peut-il y avoir entre les sédiments et l'érosion des sols, et donc l'utilisation des sols, puisque c'est de ça qu'il est question dans votre étude? Mais c'est certain, à partir du moment où le sol n'est pas protégé par de la végétation, il peut plus facilement se faire éroder et peut se faire transporter, reprendre par le réseau des rivières et des ruisseaux. Et donc, on a beaucoup plus de particules de sol qui peuvent être transportées jusque dans le fond du lac. Donc, ça veut dire, si on prélève une carotte dans le fond du lac, dans ses sédiments, on va voir les sédiments qui se sont déposés année après année? Dans certains cas, oui. Pas toujours, mais dans certains cas, on peut vraiment compter les couches les unes après les autres, comme on peut compter les couches de cernes d'arbres, exactement. Mais c'est plutôt des cas exceptionnels. En général, on ne trouve pas ces couches parce qu'il y a toujours un petit peu de vie dans le fond du lac, et puis ça perturbe absolument tout. Ouais. Et puis, donc, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de la bioturbation. Donc, c'est simplement les organismes qui vivent sur le fond du lac qui perturbent le sédiment et la structure primaire. Ouais. Donc, comment on fait pour étudier le fond, les sédiments des lacs? Donc, comme vous l'avez dit, on prend des carottes de sédiments. C'est une carotte de sédiments, c'est un peu une seringue géante. On enfonce un tube qui est ouvert de tous les côtés, et puis on ferme le sommet du tube, et puis on tire vers le haut, et puis c'est comme ça qu'on a, avec l'effet de succion, on parvient à on remonter. Aspire. On essaye de pas trop aspirer, sinon ça fait des perturbations. Ouais. Mais c'est une image. C'est une image, oui. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette carotte? On va dater pour trouver les différentes couches, ou quand est-ce que les sédiments se sont déposés? On va les observer au microscope pour voir si on retrouve de ces fameux phytoplanctons. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait plusieurs choses. Évidemment, il y a des tas de techniques qu'on peut utiliser pour analyser les carottes de sédiments dans le fond des lacs. Mais essentiellement, pour la datation, on va utiliser le carbone 14. Donc, c'est un... ça permet d'avoir des datations absolues avec comment dire, la, c'est un radioisotope qui se dégrade, qui a de moins en qui se dégrade, qui a une, ce qu'on appelle une demi-vie, puis on parvient comme ça à dater la matière organique qui se trouve emprisonnée dans les couches du lac. Nous autres, ce qu'on fait, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est d'analyser la taille des particules qui sont déposées dans le fond du lac, parce que au plus il va y avoir un courant fort, par exemple, si vous avez une crue, la crue a une vitesse beaucoup plus rapide et puis peut transporter des particules qui sont plus grosses. Donc on est très intéressé par la taille des particules qui se déposent dans le lac, et puis ça nous donne de bonnes idées de savoir s'il y a eu des orages ou il y a plus de précipitations, des choses comme ça. Donc là, vous avez étudié, vous et vos collègues, c'est quand même une étude avec beaucoup de une dizaine d'auteurs, des Canadiens, mais beaucoup d'Européens également. Et vous avez étudié 632 lacs, dont certains lacs québécois, j'imagine. Il y a quelques lacs québécois, mais pas beaucoup. En fait, ce que nous avons fait, on avait nous autres une série de lacs avec nos propres données, mais essentiellement on était regardé dans la littérature et on était regardé dans les bases de données où les gens publiaient leurs données, et on était regardé un peu autour du globe pour voir s'il y avait des lacs dont on pouvait se servir pour pouvoir faire notre reconstruction de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire essayer de voir s'il y avait une augmentation de la vitesse de sédimentation dans les lacs au niveau du globe. En fonction donc de la taille des particules. De la taille des particules, par exemple, mais c'est surtout aussi de la vitesse d'accumulation des particules dans le fond du lac. Donc on ne parle pas des particules qui vivent, donc pas les particules des organismes vivants, mais de ce qui vient du bassin versant. Oui, qui sont apportés donc par les ruisseaux, les rivières. Donc qu'est-ce que vous avez vu dans ces 632 lacs? Ce qu'on a vu, c'est que vers 4000 ans avant maintenant, il y avait globalement, statistiquement, une augmentation de la vitesse de sédimentation. Donc la quantité de sédiments qui venaient du bassin versant, des rivières, donc de l'environnement des lacs, a augmenté il y a à peu près 4000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taux de sédimentation s'est accru et que ça veut dire qu'il y a eu plus d'érosion dans le bassin versant. Mais est-ce qu'on sait à quoi serait due cette érosion? Pourquoi il y aurait eu de l'érosion il y a 4000 ans comme ça? Eh bien, donc, dans les lacs qu'on a sélectionnés, il y avait des tas de personnes, d'autres collègues qui, pendant 40 ans, même, qui ont fait des analyses des pollens. Donc, les pollens, c'est... Ce que les plantes produisent pour pouvoir se reproduire, et bien c'est quelque chose qui est extrêmement résistant à l'érosion et à la dissolution. Et donc, en regardant les pollens qui sont préservés dans le lac, on peut reconstruire le paysage qu'il y avait dans la... dans le bassin versant du lac, à proximité du lac. Ces pollens qui étaient donc entraînés en même temps que les sédiments Exactement. Du sol, qui arrivent par les ruisseaux, rivières, d'accord, Et donc, ce qu'on a vu, chaque fois qu'il y avait une augmentation du taux de sédimentation dans ces lacs, il y avait aussi un changement dans la composition des pollens, où il y avait, en fait, une diminution des pollens d'arbres. Donc, en fait, la forêt... Notre interprétation de ce qu'on voit, c'est que la forêt avait diminué. Ah oui, il y avait moins de pollen d'arbres, donc on en conclut qu'il y avait, on en déduit qu'il y avait moins d'arbres, donc comme une déforestation un petit Exactement. Donc ça, c'est assez bien prouvé dans certains des études qui sont très poussées dans des sites qui montrent très très bien cette correspondance entre la quantité de pollen d'arbres et la déforestation pour pouvoir cultiver. Donc c'était le début de C'est ça, j'allais vous demander, mais d'où elle vient cette déforestation? Il y a eu des feux de forêt ou non? C'est parce qu'il y aurait eu de l'agriculture en même temps? C'était à cause de l'agriculture essentiellement. On peut retrouver dans les pollens d'ailleurs? On peut retrouver ça dans les pollens, mais disons que les études polliniques qu'on a pu exploiter n'étaient pas aussi détaillées, et donc on ne pouvait pas avoir un bilan global au niveau de la Terre, sur tous les continents. on ne pouvait pas avoir un bilan global qu'on pouvait évaluer. Je disais que cette étude porte sur 632 lacs en Europe, en Amérique du Nord, puis peut-être un peu ailleurs. Est-ce que ces 632 lacs racontent la même chose qu'il y a eu cette phase d'accumulation des sédiments dans les lacs et en même temps cette déforestation? Ils racontent plus ou moins la même chose. Il y a quand même des différences régionales, notamment ce qu'on voit, une grosse différence entre l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est que le moment où ça se passe est différent. Donc c'est beaucoup plus tardif en Amérique du Nord par rapport à ce qui se passe en Europe. Parce qu'on a déforesté plus tardivement en Amérique du Nord. Exactement. Par rapport à l'Europe. Mm-hmm. C'est quand même assez surprenant de retrouver de telles histoires comme ça dans les sédiments, je trouve. Oui. On dit souvent aussi que les expériences apportent des réponses, mais soulèvent d'autres questions. Donc dans ce cas-là, quelles autres questions ça vous amène et comment pousser comment on peut faire parler encore les sédiments pour développer encore cette histoire? Je dirais pour développer cette histoire-là, maintenant, on a une espèce de vue globale des sédiments qui se déposent dans le fond du lac. Et dans les sédiments, quand on parle de pollen, c'est de la matière organique, mais il n'y a pas que des pollens comme matière organique, il y a d'autres matières organiques. Et c'est important de comprendre un peu comment la matière organique qui vient des bassins versants, qui provient des sols, donc les sols s'appauvrissent, comment est-ce qu'ils s'accumulent dans le fond des lacs, et puis ça nous permet de mieux comprendre quelque chose qui est très important pour comprendre les changements climatiques, c'est le cycle du carbone. Mm-hmm. Donc, si on enlève du carbone des sols, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qui devient? Et ça, pour les gens qui font de la modélisation du climat, c'est extrêmement important de comprendre où se trouve le carbone et en quelle quantité. Et notre étude apporte une première petite réponse, donc on va continuer ces études-là, notamment en quantifiant un petit peu mieux la quantité de carbone organique qui se trouve dans les sédiments. Donc ces fameuses carottes n'ont pas fini de parler. Alors merci beaucoup Monsieur Francus d'être venu au studio nous présenter cette recherche et on vous souhaite de bonnes continuations dans l'exploration de ces sédiments. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et nous étions en compagnie de Pierre Francus, professeur à l'INRS Hauts-Terres Environnement. On fait une petite pause musicale sur CKRL 89.1 avant de poursuivre avec d'autres recherches effectuées à l'INRS. Il sera question de recyclage de résidus miniers.